Document 2, page 20. Salut Yvan, tu as vu Nicolas ? Oui, ce matin. Il est d'accord pour la manif de samedi ? Ne sais pas. Il dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire une manifestation 2 semaines avant les examens. Pourquoi ? Il dit que les profs vont peut-être faire la grève après. Et alors ? Et alors, si les profs font la grève, ils se demandent quand on va passer les examens. Et il a raison. Moi, je veux partir en vacances en juillet. Et il a une meilleure idée ? Non. Il demande à tout le monde de bien réfléchir avant de prendre une décision. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais plus. Finalement, les problèmes de l'université, on verra ça l'année prochaine. Demande aux autres ce qu'ils en pensent. On en reparlera demain au lycée. D'accord. Demande à Laura si elle peut téléphoner à son copain du lycée Berlioz pour lui demander ce qu'ils ont décidé là-bas. D'accord. Bon, je m'en vais, je suis en retard. Ah, dis, si tu vois Nicolas, tu peux lui demander s'il peut me prêter sa moto le week-end ? Pour sortir avec Séverine ? Toi, Marco, tu penses plus aux filles qu'à la manif ?